Merci d'écouter la première. Il est 13h30 et voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Pour la première fois, ils viennent de mettre la main sur un des banquiers de la mafia. Cette semaine, Cosa Nostra. Sur un des mystérieux professionnels du recyclage de l'argent sale. Politique et crime organisé, de dangereuses liaisons. Ce sont en tout 18 mafiosi qui, d'après les magistrats de Caltanissetta, ont participé à l'attentat contre le juge Giovanni Falcone. À 10h pile, Giulio Andreotti est entré dans la salle du tribunal Bunker, cette salle blindée qui avait été aménagée à l'intérieur de la prison de Palerme pour y célébrer le maxi-procès contre la mafia. Si je trahis cette organisation, que ma chair brûle comme cette image. Milan, le 1er octobre 1979. La police découvre dans un appartement de location une cachette des Brigades Rouges. Personne n'avait compté avec une découverte aussi rapide. Les policiers trouvent des tracts, des lettres et des notes du chrétien-démocrate assassiné. En lisant ces documents, le général des carabiniers Carlo Alberto Dalla Chiesa réalise qu'il tient une véritable bombe entre ses mains. Dans la même nuit, il emporte les documents à Rome. Vers 2h du matin, il rencontre le secrétaire d'État d'Andreotti, Franco Evangelisti, pour lui exposer sa découverte. Le général lui explique qu'il a l'intention de remettre les notes d'Aldo Moro à Giulio Andreotti dès le lendemain matin. Franco Evangelisti va bientôt confirmer cette conversation. Quelques jours plus tard, Andreotti fait publier les notes de Moro. En avril 1996, dans le pénitencier de Pérouse, au nord-est de Rome, alors qu'Evangelisti a confirmé cette conversation, Andreotti apporte une autre réponse. Je nie absolument que le général Della Chiesa ou quelqu'un d'autre m'ait parlé de passage de ce journal. Pourquoi Evangelisti se trompe ? Il était dans un état misérable. Il n'y a qu'à voir ses procès-verbaux. Mais malgré cela, Franco Evangelisti, il avait rêvé. Pas par méchanceté, mais il était cloué dans un fauteuil. Il ne pouvait même pas bouger. Il a dû imaginer cette visite du général qui n'a jamais eu lieu. Le journaliste Mino Pecorelli émet un doute. Et si Andreotti n'avait pas publié la totalité des écrits d'Aldo Moro ? C'est ce qu'il affirme dans plusieurs articles. Il publie bientôt lui-même des documents qu'aucun journaliste ne possède alors. Est-il lui-même en possession des parties manquantes du journal de Moro ? Et si oui, comment les a-t-il obtenues ? Son agenda apporte un élément de réponse. Sur celui-ci figure à plusieurs endroits le nom du général Dalla Chiesa. C'est sur ce point que la sœur du journaliste assassiné, Rosita Pecorelli, est appelée à témoigner. Elle associe également le meurtre de son frère à la possession de certains documents, une information qu'elle détient elle-même de l'avocat de Pecorelli, Da Cataldo. Quand votre frère a-t-il commencé à travailler avec maître Da Cataldo ? Je ne me le rappelle pas. Mais maître Da Cataldo m'a confié que mon frère était allé chez lui. Et qu'il lui avait dit une chose très grave. Il lui avait dit « Je suis ou je serai en possession de documents brûlants et que je les publie ou non, ils décréteront ma fin. » Ces mots sont gravés dans mon esprit. Le procès contre les assassins du journaliste Carmine Pecorelli entraîne les juges à revisiter 30 années d'histoire politique italienne, secouée par des scandales financiers encore présents dans toutes les mémoires. Ainsi, l'affaire du banquier mafieux Sindona. Après la faillite frauduleuse de ses banques en Italie, celui-ci s'est réfugié aux États-Unis. Un mandat d'arrêt international est délivré contre lui. Dans le journal d'Aldo Moro, on comprend qu'Andreotti s'est rendu aux États-Unis pour y rencontrer le banquier Sindona. On apprend également que du côté américain, on a mis Andreotti en garde de poursuivre ses contacts avec le banquier. En examinant les comptes de Sindona, la brigade financière découvre une situation de corruption et de fraude inimaginable. Mais leur travail est bientôt entravé par des intimidations. Une commission d'enquête parlementaire découvrira par la suite que le banquier mafieux pouvait compter sur le soutien exceptionnel du gouvernement et d'Andreotti. Retour au procès de 1996, un officier de la brigade financière explique les motifs de ce soutien. En examinant la double ou triple comptabilité, on s'est aperçu que des chèques avaient été détachés et que certains d'entre eux avaient échoué dans les caisses de partis et d'hommes politiques. Peut-on dire que quelqu'un, un banquier par exemple, finançait une partie du monde politique? On peut le dire. Le sauvetage de la banque Sindona aurait coûté 13 milliards à l'État italien. La Banque d'Italie va tout faire pour s'y opposer. Son vice-président explique pourquoi. J'ai répondu que, à mon avis, on ne pouvait pas faire cela à moins d'indemniser toute la collectivité. Quelque temps après, le responsable de la Banque d'Italie est arrêté sous des prétextes judiciaires. On entend bien faire infléchir la décision de la Banque d'Italie. Le dernier chapitre de cette histoire s'achève par un nouveau meurtre. Sindona aurait fait assassiner le liquidateur de ses banques, celui-ci ayant refusé d'assainir les instituts financiers exsangues. Instruire l'affaire relèvera de la mission impossible. Michele Sindona mourra peu de temps après en prison, dans des conditions des plus suspectes, juste avant l'ouverture de son procès. Au procès de 1996, la justice s'interroge sur les connexions dans l'affaire Sindona entre Giulio Andreotti et la mafia et interroge à ce sujet un président du conseil fort sibyllin. Pourquoi Moro part-il de cela avec les Brigades Rouges? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je ne sais pas pourquoi il cite Sindona. Je n'en sais rien. Fin janvier 1979, le journaliste Carmine Pecorelli invite quatre personnes à dîner dans un club privé de l'establishment romain. Le couvert est mis pour cinq personnes, Pecorelli et ses quatre hôtes. Le journaliste a dressé la table d'un jeu extrêmement dangereux. Lorsque ces messieurs prennent place, ils ignorent encore ce qui les attend. Ce soir-là, Mino Pecorelli, dont le journal connaît des difficultés financières, commence par chercher des sponsors pour sa revue. Il espère les trouver dans le milieu chrétien-démocrate. Pour faire un peu pression, il lâche quelques informations sur des hommes politiques du Parti de la démocratie chrétienne qui seraient mêlés à des scandales. L'atmosphère se refroidit quelque peu. Pour entériner ses dires, il présente à ses invités la couverture de sa prochaine édition. L'échec du président. Effrayé, l'un des hôtes prie Pecorelli de ne pas publier l'histoire. Au matin du 20 février, jour de l'assassinat du journaliste, celui-ci a préparé une grosse enveloppe contenant des documents importants. À 14h10, Umberto Limangelli va porter l'enveloppe à l'imprimerie. L'enveloppe, contrairement aux habitudes, est scellée. Son contenu demeure énigmatique, mais quelques pistes sont évoquées au cours du procès. Il y avait dans cette enveloppe soit des documents prouvant l'émission de chèques liés à un gigantesque scandale de corruption, à la faillite frauduleuse de l'entrepreneur romain Caltagirone, ami d'Andreotti et financier du Parti chrétien-démocrate. Ou peut-être encore des informations sur une faillite frauduleuse dans l'industrie pétrolière, dans laquelle se trouve mêlé Nino Rovelli, patron de l'entreprise, également proche d'Andreotti, également financier du Parti démocrate chrétien. Ou peut-être encore, troisième hypothèse, des éléments à charge contre Giuseppe Arcaini, patron de la Banque centrale des caisses d'épargne, accusé d'avoir dilapidé des sommes considérables pour soutenir des sociétés en faillite, lesquelles financeront le Parti démocrate chrétien. Lorsqu'Umberto Limangelli arrive à l'imprimerie avec son enveloppe, il est attendu par une personne qu'il n'a jamais vue. Je me suis dirigé vers le premier étage. Quelqu'un m'a arrêté en disant « Vous êtes le monsieur de la revue OP ? Donnez, donnez, nous vous attendions. » Puis le paquet disparaît. 5 heures plus tard, Mino Pecorelli est assassiné. Dix-neuf ans après, le procureur de la République interroge Giulio Andreotti sur ses différents scandales financiers. Je ne veux pas jouer les naïfs, mais je n'ai rien à voir avec ça. Je ne me suis jamais occupé de l'Italcas. Étiez-vous au courant des inspections que faisait la Banque d'Italie ? Non. On ne m'informait pas des inspections, des dénonciations. Je vous repose la question, avez-vous reçu des chèques ou des contributions de M. Rovelli ? Je ne me suis jamais occupé de la gestion financière du parti. Mais les chèques du président du conseil existent réellement. Et Andreotti connaissait la une prévue par Pecorelli. Cette fois-ci, il l'admet. Excusez-moi, sous quelle forme vous a-t-on donné cet argent ? Par chèque. Je viens de voir qu'ils n'avaient pas d'ordre. Je ne les avais pas regardés. Je les ai transmis tels quels. Vous les a-t-on remis en main propre ? Une partie, oui. Quand avez-vous su que Mino Pecorelli voulait publier un article sur ces chèques ? C'est Evangelisti qui a fait allusion. Sauf qu'il n'a pas dit... Pecorelli va publier, mais plutôt, je présume que Pecorelli veut utiliser l'histoire des chèques dans ses accusations. Monsieur Evangelisti a dit, Andreotti a vu les journaux, il est tombé des nues. Je ne me le rappelle pas. Je répète, cette histoire de chèques me rappelait juste... les faits de l'année précédente qui ne m'avaient pas touché. Le témoin qui succède à la barre, un secrétaire d'Andreotti, apporte de l'eau au moulin de l'accusation. Selon lui, le président du conseil a utilisé quelques-uns des chèques pour ses campagnes électorales organisées par un dénommé Radaelli. Andreotti a demandé à son secrétaire de contacter Radaelli pour étouffer l'affaire. Le procureur de la République veut savoir précisément ce que Giulio Andreotti a dit à son secrétaire. Il me demande de dire qu'il fallait taire son nom, sauf cas extrême, mais je ne sais pas à qui. Radaelli vous a dit de rassurer le président sur ce point ? Oui. En réalité, il m'a dit, même en prison, je ne dirai rien. Pour la première fois au cours de ce procès, le procureur de la République réussit à apporter la preuve qu'Andreotti est mêlé aux affaires de corruption et à le confondre. Une autre tentative de dissimulation est convenue le soir du dîner organisé par Pecorelli. Après ce dîner, les invités décident de ne rien révéler du contenu de leur conversation. Deux d'entre eux sont juges. Ayant été informés ce soir-là des affaires de corruption d'Andreotti, ils auraient dû, ou pu, engager une procédure d'enquête. Ils n'en ont rien fait. Ils sont à présent conviés au procès. Quelle est leur stratégie ? Le silence ou l'aveu ? Va-t-on enfin apprendre, 19 ans après le meurtre, ce qui s'est dit à ce dîner, 6 semaines avant l'assassinat de Pecorelli ? Les 3 témoins vont-ils charger Vitalone et Andreotti, ou bien continueront-ils à garder le silence ? Le droit italien leur donne la possibilité de répondre ou de ne pas répondre. Ils choisissent tous d'utiliser ce droit de ne pas répondre à toutes les questions du tribunal. Mais les 3 témoins ont de fait, avant le procès, déjà rompu le silence une première fois. Menacés d'être inculpés de parjure, ils ont confirmé à un juge d'instruction qu'ils avaient parlé, le fameux soir, du chèque d'Andreotti, mais que l'un d'entre eux, le juge Vitalone, leur avait demandé de garder le silence. Des aveux lourds de conséquences, car ils renvoient sur l'affaire des chèques du président du conseil et constituent en eux-mêmes un mobile du meurtre du journaliste Pecorelli. Quand les juges interrompent l'audience pour la pause déjeuner, la situation de Giulio Andreotti commence à être des plus embarrassantes. Le procès se poursuit. À l'ordre du jour, l'exécution du crime et la manière dont Andreotti et le juge Vitalone auraient commandité le meurtre à des individus peu fréquentables. Sur la liste des témoins figurent les grosses pointures de la criminalité italienne. Une question se pose, celle de la crédibilité de ces témoins appelés à comparaître. La police appelle bientôt un chef de bande. Celui-ci va se glisser derrière un paravent de couleur bleue en plein cœur du tribunal et il commence son récit. L'histoire qu'il raconte est celle de la bande Maliana, ainsi nommée d'après un quartier de Rome. C'est là que la plus grande organisation criminelle après la mafia a élu résidence. Sa spécialité, le trafic de drogue pour le compte de la mafia. L'un de ses partenaires était Pippo Calo, l'homme de Cosa Nostra à Rome. Pour blanchir l'argent, il était lié à des financiers douteux, entre autres le banquier Sindona. La bande disposait d'interlocuteurs dans divers ministères, auprès des services secrets, sans compter ses connexions avec de nombreux juges qui auraient influencé le procès en faveur des chefs de la Maliana. Mais le chef de bande pousse son récit un peu plus loin. L'un des bénéficiaires de toutes ces faveurs aurait été Claudio Vitalone. Cet ancien magistrat, cet ancien ministre démocrate chrétien, assis aujourd'hui à la droite d'Andreotti. Que savez-vous à propos du meurtre du journaliste Carmine Pecorelli ? Cet assassinat servait à notre groupe. Pour faire un saut de qualité, pour avoir des connexions avec les tribunaux, pour obtenir les faveurs de la justice, Ce meurtre a été commandé par un pouvoir politique, maçonnique, judiciaire, par des gens qui comptent, par M. Vitalone. Le meurtre de Pecorelli était juste utile ou il a été ordonné par Vitalone? Il l'a ordonné. C'est Vitalone qui a ordonné le meurtre de Pecorelli. Car Pecorelli pouvait occasionner des problèmes à Vitalone et à son groupe. Groupe politique, financier et judiciaire. Que savez-vous des intérêts de ces mafieux dans cet assassinat? Cela ne les intéressait pas directement. Mais tout comme la bande Maliana, ils ont accepté cette opération pour rendre service à ce pouvoir dont je vous ai parlé, afin d'obtenir tout ce dont ils disaient avoir besoin, tribunaux, interventions politiques. C'est alors qu'éclate la querelle tant attendue. L'avocat de Claudio Vitalone prend à partie tout le tribunal. Il fustige l'attention portée au témoignage de ce chef de bande. Malgré la demande d'apaisement du juge, chargé de présider les débats, et une partie civile qui entend faire admettre la recevabilité de son témoin. Claudio Vitalone s'adresse quant à lui un peu plus tard à la presse dans le hall du palais de justice. Nous paierons les graves erreurs que l'on commet aujourd'hui en confiant à des ministères publics la gestion de la vérité. Il faut se méfier des repentis. Ces gens ont de grosses dettes envers la justice. Il faut savoir ce que signifie mettre la vérité dans les mains d'un repenti. On est en train de rompre la légalité du système démocratique. Le défenseur de Vitalone demande à tous les avocats de se retirer en guise de protestation. Il invoque le fait que des criminels dont l'impunité était garantie par la justice en échange de leur déposition ne sauraient être des témoins crédibles. Leur accusation serait destinée à rendre service à la justice. Dans le pire des cas, ils répéteraient ce qu'on leur a demandé de dire. Si la justice peut être ainsi bernée et les procès se transformer en farce où chacun, à commencer par les juges, est otage des collaborateurs de la justice qui visiblement mentent, c'est vraiment la fin de tout. Malgré les protestations véhémentes de l'avocat de Claudio Vitalone et les adresses à ses confrères leur demandant de déserter la justice ordonnée dans le tribunal de Pérone, aucun avocat ne quitte l'audience. Les journalistes impressionnés par ce premier incident réalisent quant à eux rapidement que ces accès de colère font en fait partie de la stratégie de la défense. Tous savent que dans quelques minutes, le procès continuera, car il n'existe pas la moindre preuve attestant que la justice a dicté la déposition des témoins. Les esprits se calment. La procédure reprend son cours. Le chef de gang ayant dénoncé peu avant Claudio Vitalone comme instigateur du meurtre contre le journaliste Pecorelli reprend son récit. Quel intérêt avaient ces mafieux dans le meurtre de Pecorelli? Les intérêts étaient les mêmes, leurs intérêts étaient les mêmes. Par la suite, je me suis rendu compte que pas toute la mafia voulait se trouver mêlée à cette histoire. Mais une partie de la mafia que j'identifie avec un certain Mario, qui agissait à Rome. Qui était ce Mario? Celui qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de Pippo Calo. Pippo Calo est le représentant de Cosa Nostra à Rome. Il est soupçonné d'avoir procuré à Andreotti et à Vitalone les tueurs de Pecorelli. Pippo Calo est membre de la Coupole, la commission la plus importante de la mafia. Condamné à plusieurs reprises à la prison à vie pour meurtre et attentat. Très actif dans le trafic de drogue international, lui aussi a été étroitement lié avec le banquier Sindona. Di fronte a me è il collaboratore Pennino Gioacchino, nato a Palermo il 1 marzo del 1938. Senta, dottor Pennino, lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Le témoin suivant a la double casquette, Gioacchino Pennino. Il est médecin, mais aussi chef mafieux à Palerme. Depuis quelques années, il collabore avec la justice grâce à un jeu d'influence subtil. Auparavant, il a apporté beaucoup de votes aux chrétiens démocrates de Sicile. On demande au docteur de confirmer son appartenance à Cosa Nostra. Oui, j'ai fait partie de l'organisation criminelle Cosa Nostra. On avait décidé que ma participation devait rester la plus secrète possible à cause de ma situation professionnelle et politique. C'est pourquoi j'étais considéré comme un mafieux secret. Grâce à Cosa Nostra, le docteur Gioacchino Pennino a fait une brillante carrière dans la sécurité sociale. Parallèlement à ses débuts dans un laboratoire d'analyse, Pennino occupe des fonctions au comité des caisses d'assurance, ce qui lui permet de jouir d'une influence politique et de trafiquer les attestations des patients en échange d'un vote pour les chrétiens démocrates. C'est ainsi que 2 patients, puis 10, puis 100, 1000, 10 000, deviennent tour à tour des électeurs chrétiens démocrates. Tous les médecins italiens à Palerme dépendent du bureau de Pennino. Ils influencent de leur côté leur clientèle. Les chrétiens démocrates récoltent le fruit du chantage exercé sur les patients et la sécurité sociale paie la facture pour les fausses attestations, les invalidités prématurées et les maladies truquées. En 1994, Pennino quitte la mafia. Il commence à collaborer avec la justice. Demain, la suite de cette évocation des procès anti-mafia dans la perspective du nouveau film de Marco Bellocchio, Le Traître, Il Traditore, actuellement dans les salles de cinéma. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc